Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère. Car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent, des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Damné, si je me vengeais, il faut être absolument moderne. Point de cantique, tenir le paganier, dure nuit, le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Que parlais-je de ma amie ? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps. Jacques Maurice lisait quelques poèmes de son choix. Les poètes de 7 ans, Ophélie, Royauté, Vagabond, Ouvrier, Les ponts, Adieu, d'Arthur Rimbaud.